Vienna, se é isso mesmo, então venham para a Roda do Telefone Toca, o programa que está aí no ar. Um programa que vai para o ar todos os domingos das 10 às 12h30. Fique connosco, é uma ótima opção. Então, desde já também, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Como vem sendo habitual, o programa do Telefone Toca, um programa que vai para o ar todos os domingos, e um programa onde você pode ligar para o 0238 43 48 00 para fazer as suas dedicatórias e não só, também para escolher uma música. Faça favor, ligue. Então aqui estivemos para iniciar com esta grande música de Maio da Gaita, ele que vai estar connosco no próximo sábado. Sim, já é o próximo sábado que ele vai estar connosco na sala de festas de Montição. Ele não vai estar só, vai haver rusgas, vai haver música de baile e tudo isso numa organização da Rádio Arco-Íris. Fique connosco. Ter coração, sintoma de paixão, amor que nasce no povo. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão bem pintinha, é o que cheira que perfume o meu país. A portuguesa tem mais amor, é mais doçura os beijinhos que ela dá. Divino agitar na minha frente, que acode logo com sorrisos de magia. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de viria. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de viria. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão infinita, é fruto cheiro que perfume o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outros mais, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há. Tem esta linda mulher, suas gracinhas são mais doces, eu aposto. É portuguesa, sabe o que um português quer, por isso é a mulher que mais quero, que mais gosto. É portuguesa, sabe o que um português quer, por isso é a mulher que mais quero, que mais gosto. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão infinita, é fruto que cheira que perfume o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outros mais, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão infinita, é fruto que cheira que perfume o meu país. Tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outros mais, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há. Ai, mais linda que a portuguesa não há. Isso é verdade, a portuguesa é a mais bela, a bela portuguesa. E quem é? É o Diapasão. E no estrangeiro é sempre um forasteiro, semelhança das mulheres que Deus pode criar. Ai, e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Diapasão aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris e agora vamos recordar um grande artista que morreu, fez ontem 30 anos, ele chamava-se Dino Meira, que tinha canções que ninguém tem igual, só ele é que sabia cantar assim, e vamos ouvir Saudades, Saudades deste grande Dino Meira. Saudades, saudades do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Say goodbye, já cheira a rosma minha, goodbye. Tenho alguém a mim. Já vejo os mais verdes pinhais, vejo a casa dos meus pais, o meu cantinho. Saudades, saudades, de amor e carinho. Saudades, saudades do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Foram meus adeus. Sou alguém que vem de longe para não mais dizer adeus. Adeus. Se uma burinha vai e vem, eu já voltei também. Não me perdi. Saudades, saudades deste grande artista que era Dean Meira e continua a ser aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. É sempre uma grande emoção quando passamos as músicas deste grande artista, então que nos deixou o 11 de novembro de 1993. Tinha apenas 53 anos de idade e era natural de Espinho, este grande artista. Continuamos com outra grande voz, outro grande nome. Ele, felizmente, ainda está connosco e brevemente também vai estar em Orleans. Ele chama-se Zé Mário e ele vai nos interpretar a música Cara Linda. Ouvi-vos, faz favor. Amar ao vivo com o tema Cara Linda. Oh, cara linda, dá-me cá um abraço bem cedo, com o passo do meu coração. Linda menina, deixe-me o meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, deixe-me o meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Oh, cara linda, dá-me cá um abraço bem cedo, com o passo do meu coração. Aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, deixe-me o regaço. Aceita um beijinho, não digas que não. Ai, como é bom ouvir a música portuguesa, música com alegria, boa disposição, e é isso que nós estamos tentando levar até aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Rádio Arcalciano. Portanto, continuamos com Dino Meira, ele foi-nos pedido, e ele, nós fazemos os vossos votos, portanto, Negro Destino, Dino Meira. Eu sei que você cantou aí desse lado esta música, grande êxito de Dino Meira, Negro Destino. Como é bom recordar. É isso mesmo, estamos aqui a recordar esta grande voz de Dino Meira. Agora uma música da atualidade, pois saiu apenas há duas semanas, é música de Leandro, Quero Esquecer-me de Ti. Espero que não seja o caso. Queria ouvir de novo a tua voz. só este minuto, não desligas, deixa-me falar-te de mim. Perguntar como é que eu estou depois de ti. Como é que vai? Depois de tantos anos separados, ainda estou preso a ti. Será que por algum instante eu fui a salvada que tu ainda és? Melhor. te dar razão. E talvez hoje, no lugar dessa despedida, nossa história teria uma continuação. E quando eu perguntei se ainda não era cedo, a saudade lembrou-me cada um dos meus erros. E quando eu disse que não aceitaria o fim, tenho arrependimento e disse-me assim. Agora é assim, ela beija no outro e eu caladinho. Ela melhor com outro e eu pior sozinho. Mas espera que eu não a faça feliz. Agora é assim, ela dançar com outro e eu caladinho. Ela melhor com outro e eu pior sozinho. Mas espera que eu não a faça feliz. A ver se algum dia ela volta para mim. Caladinho, novo tema de Micael Carreira, que saiu ontem do forno. Ah, o forno é bom agora, para está a começar a estar frio. Bonjour à tous, bonjour Lionel. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien, on est au chaud. On est au chaud, on est protégé de la pluie, et puis la pluie en ce moment, c'est vraiment... Je te rassure, c'est pas qu'en France. Ouais, c'est vraiment intense, avec de grosses inondations dans quelques secteurs de la France. Ouais. Ouais, mais dis-nous, au Portugal, du coup, comment ça se passe? Bah, c'était 12 jours de pluie, pratiquement. D'accord. Et il pleut toute la journée, ouais. Voilà. Pas il y a eu quelques rayons de soleil, mais... D'accord, pas d'inondation, pas de... Vers chez où j'étais, non. D'accord, ok. Mais ouais, c'est vrai qu'au Portugal, il y a eu aussi pas mal d'inondations. Ouais. Dans le sud et aussi dans le nord, maintenant. Ouais, partout, un peu partout, ouais. Donc, voilà, donc effectivement, la pluie, bon, on en a besoin, hein. Donc, et puis c'est... Ça va remplir les nappes phréatiques. Et puis c'est l'époque, hein, voilà, mais bon. Nous, on est là pour emmener la bonne humeur, la bonne... Exactement, vous faire oublier cette pluie, et on est là pour vous passer vos dédicaces, vos musiques préférées, pourquoi pas. On a aussi la visite de Mathis, qui est en formation ici chez Radio Arc-en-Ciel, depuis une semaine, 15 jours. Une bonne semaine. Il peut parler, il a le micro. Il est là pour apprendre. Donc, on va expliquer un peu le contexte. Bonjour Mathis. Bonjour Jérôme. Bonjour Lionel. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Mathis, dans son cadre scolaire, c'est ça? Oui. Doit être bénévole au sein d'une association. C'est ça. Oui. Avoir des actions bénévoles, on va dire. Peu importe après les actions, ça pouvait être les pompiers, enfin le secours populaire, peu importe. Mais toi, tu as choisi la radio. Oui, tout à fait. Pourquoi la radio ? Parce que déjà, je suis portugais. D'accord. Donc c'est quelque chose que je connais. La radio arc-en-ciel, c'est quelque chose de depuis que je suis petit. D'accord. Donc ouais, t'es pas très grand. Hein. Enfin, t'es grand en taille, mais pas en âge. Il est bien grand. Il est grand en taille, oui. Et puis parce que tu veux, professionnellement, tu veux aller vers le secteur de l'événementiel, oui, c'est ça? Donc tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça que tu t'es un peu intéressé à la radio et tu t'es dit, bah si je veux intégrer l'événementiel, bah pourquoi pas la radio, oui, quoi. Voilà. Eh bien t'as bien fait. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il en pense, hein, de... Ouais, bah, déjà en une semaine. Est-ce que tu... Bon, t'étais déjà venu, hein, quelques fois ici, oui, voir un petit peu, mais finalement dans le fonctionnement, etc. Est-ce que t'imagines... Bon, t'as vu un petit aperçu peut-être, mais est-ce que tu voyais ça comme ça? Est-ce que finalement c'est différent? C'est très impressionnant dès le début. Ah, tu trouves que c'est impressionnant? Bah, tous les boutons, toutes les choses à faire, oui. D'accord. C'est pas quelque chose de très facile pour moi en tout cas. Ouais, mais t'inquiète pas, ça va venir au fur et à mesure. Et si j'y arrive... Il va y arriver. Et puis tout ça, après, ça s'acquiert avec le temps, avec de l'assurance aussi, se faire confiance, parce que c'est vrai que prendre la parole comme ça sur un micro, etc. Et puis, alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le back-office, hein, de la partie administrative, parce que ce que beaucoup de gens ignorent, enfin, c'est pas ignorent, mais c'est pas une évidence, quoi, c'est pas une évidence, c'est-à-dire que quand on voit Radio Arc-en-Ciel, on voit pas que derrière, c'est une structure, une radio associative. On vient pas dans les studios, on monte le micro et on parle. Alors, c'est ça, mais pour faire ça, il y a tout un fonctionnement à mettre en place, et il y a tout ce cadre associatif qu'il faut faire fonctionner, et financier aussi, parce que tout ça, ça a des coûts. Donc effectivement, il faut assurer aussi tout l'aspect administratif et gestion de Radio Arc-en-Ciel, qui est une radio associative. Et donc, il a été fortement invité à faire une émission le mercredi après-midi. A priori, ça va s'installer ça doucement. Va s'installer, alors, ils sont deux. Il y a Lola. Oui. Et toi? Une amie à moi, et qui a voulu. J'ai un peu poussé. Ouais, d'accord. Elle a été un peu poussée aussi, mais bon, peut-être qu'elle sera piquée ou pas, on verra bien. On a besoin de jeunesse, hein, dans notre radio. Exactement, on a besoin de jeunesse. Donc il vient en pour découvrir et voir comment se passe l'aspect technique, l'aspect animation, et puis prendre un peu de. Je sais pas si t'as pris les meilleurs modèles. Hein. Si. Oh. c'est les meilleurs modèles. Tu sais, c'est les dinosaures. Hein, les dinosaures. sûrement les plus anciens. Ah, toi, plus que moi. Mais oui. Tu as quelques dinosaures. Mais t'as démarré, t'étais bébé quand t'as démarré. Oui, j'ai démarré, j'étais petit, mais après j'ai fait une pause. Donc du coup, voilà, j'ai fait une pause, je suis revenu. Et puis quand j'ai démarré, t'étais déjà là. Donc Lionel, c'est le vieux de la vieille. C'est le Johnny, on va dire. C'est le Johnny de Radio Arc-en-Ciel. On va continuer en musique. 02 38 43 48 00. Oui, les gens, ils peuvent appeler pour faire leurs dédicaces. Il y a quelqu'un qui attend le téléphone, mais c'est le numéro qu'il faut composer pour faire toutes vos dédicaces. Et puis, n'oubliez pas, on en parlera après. Je vais répondre au téléphone. Saudade, que saudade, Jorge Freira. Je sais pas c'est quoi le titre, que Saudades. Saudades. Voilà, Saudades. Nous immigrants. On va continuer et n'oubliez pas que samedi prochain, c'est le bal organisé par Radio Arc-en-Ciel, à l'endroit que vous connaissez tous, hein, voilà, Salle Monti sur la Saint-Jean-Blanc, c'est le lieu des manifestations portugaises ici, pour la communauté orléanaise. Et samedi prochain, c'est une soirée un peu éclectique puisqu'il va y avoir une soirée rouge, avec la participation de divers groupes folkloriques, mais aussi la vôtre. C'est-à-dire que le concept de Rouge, c'est que tout le monde ça soit animé par des groupes folkloriques, mais pour que tout le monde puisse participer, il n'y a pas de démonstration ou quoi que ce soit. C'est vraiment le partage, la bonne ambiance et surtout la convivialité. Il y aura également Johnny Ivalzie pour animer la soirée et Mike De Gait. Donc voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Johnny, c'est un grand compositeur. Oui, et un chanteur. Il a fait quelques albums également. Il s'est déjà produit sur Orléans. J'ai le souvenir d'avoir été un de ses concerts ici sur Orléans. Oui, Johnny, c'est d'ailleurs lui qui a composé certains de nos morceaux. Donc voilà. Et il sera là avec c'est son épouse qui est enceinte. Qui est actuellement enceinte. Ils sont là, c'est un couple et ils animent des soirées comme ça, voilà. C'est vrai qu'en ce moment ils tournent même beaucoup. Hein. Ouais, ils n'arrêtent pas. Mais bon, c'est leur gagne-pain, donc ils font rien la semaine, ils travaillent le vendredi, samedi, dimanche. C'est un beau concept aussi, hein, donc voilà. Venez les découvrir. C'est samedi prochain, salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Et puis il y a toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Il y aura à manger, à se biffer. Comme d'habitude, de quoi vous désaltérer pour faire une petite pause entre deux musiques et puis prendre des forces, parce qu'il en faut aussi des forces, donc manger, surtout boire. Surtout ceux qui vont danser le rose. Oui, danser au vide, le canavier, le malion, le chou. Donc effectivement, vous pouvez venir très très nombreux avec vos amis, votre famille. C'est ça. Samedi prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc à partir de 21h. Et le prix est de seulement 10 euros. 10 euros, c'est voilà. Donc, voilà. C'est grâce à nos sponsors qu'on les remercie. Hein. Exactement. Merci de leur fidélité et de leur soutien. Et on écoute Mike De Gait ? On écoute Mike De Gait. Quando chega a primavera, já estou à espera de ser teu beijão. Entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha, entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha. We'll be right back. Minha ciganinha, continuamos. Je me suis perdu. Voilà. Ah, il s'est perdu. Il s'est perdu. Alors, ma souris était partie. Non, mais je vais t'aider. Je vais t'aider parce que voilà. Sache que tu sais quoi. On parlait de météo, on parlait de pluie. Donc j'étais regarder la météo sur Orléans. Bon, c'est voilà quoi. Donc la météo à Orléans. Bon, aujourd'hui 14 degrés, pluie. Il fait pas si froid que ça, c'est plus l'humidité. C'est l'humidité, ouais. Je pense que l'humidité fait que c'est humide et du coup on n'apprécie pas. Et puis ça attaque le nez, les bronches, la gorge, voilà. Et puis ici c'est pas le même froid que là-haut. Ah oui, non, c'est sûr. Demain pluie, toujours les mêmes températures à peu près jusqu'à mardi. Mercredi un petit peu d'éclaircie, un peu de rouge, un tout petit peu de jaune. Mais voilà, en tout cas, on aura ce temps-là au moins jusqu'à mardi. Et à partir de mercredi, les températures baissent, mais ça reste moins pluvieux, on va dire. Voilà. Donc, faut garder son parapluie, son caouet, son écharpe. Faut sortir l'écharpe. Et bientôt les grands. Voilà. On écoute Marx avec une nouvelle chanson, Ligue Première. Et nos auditeurs, ils peuvent. Vous pouvez nous appeler tout à l'heure. Il y a eu un appel et je pense que j'ai des appels à attendre. À Louis, 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il faut composer pour me soutenir éveillé, parce que sinon je vais m'endormir. Et Mathis avec moi. Ligue Première, c'est une nouveauté de Marx. As mensagens não leu o que aconteceu. Sem você queria só ficar. Aceitei sem pensar que ia me apaixonar. Mensagens não leu o que aconteceu. Sei você queria só ficar. Aceitei sem pensar que ia me apaixonar. Então aqui estivemos com Marcos nesta música. Liga para mim, liga, não é? E os nossos ouvintes podem ligar. Já é uma canção de parabéns. Que ligou um bocadinho para festejar uns anos da neta, é da parte da avó, que chama-se Glória, para a sua neta Anitta, que festejou o seu aniversário. Por isso, muitos parabéns à Anitta, não sei quantos anos ela tem, mas felicidades, muitos anos de vida, que seja feliz com as amigas, os amigos, a família. E então vamos ouvir uma música de aniversário, não é? E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vila. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo o sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns, esta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns. Só tu me deixas louco, só tu me deixas louco. E mais ninguém na vida me deixou ainda assim tão em fogo. Só tu me deixas louco, só tu me deixas louco. Meu amor, só contigo fico tão perdido na alma e no corpo. Meus sentidos, só tu transfiguras meu peito. Por ti sou um doido varrido e a cura não tem jeito. Só tu me pões em devaneio, só tu dá-me a tão desvairada. Por ti o que sou não tem meio, só espremo mais nada. Só tu me deixas louco, só tu me deixas louco. E mais ninguém na vida me deixou ainda assim tão em fogo. Só tu me deixas louco, só tu me deixas louco. Meu amor, só contigo fico tão perdido no nome e no corpo. Só tu transformas o que sinto, só tu mudas meus sentimentos. Por ti fico um doido varrido e é cura.

la gorge, Lionel. Hein. Voilà. On va continuer. 02 38 43. Laissez bien calme ce matin, c'est bien calme. Ouais. Les gens, ils sont en train de couper les châtaignes pour ce midi. Ça doit être ça. J'en ai pas mangé, moi, encore, pour le moment. En Portugal, j'en ai mangé. Ça y est, t'en as déjà mangé. Hier, c'était la grande fête de San Martín, c'est la fête de la châtaigne. C'est férié au Portugal, le 11 novembre, je sais pas. Oui, il me semble. De toute façon, c'était un samedi, c'est comme. Ouais, c'est vrai. C'est... Bon, pour les commerçants, c'est pas forcément toujours pareil, mais maintenant, même les commerçants ouvrent. Donc voilà, oui, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui vont manger de la châtaigne grillée. Et puis, ça fait du bien, parce que comme il fait froid autour d'une belle flambée de bois, ça. Ah, faut pouvoir la voir, hein, parce que sinon, quand t'es parfois à la maison, c'est autour du four. Châtaignes. Il y en a qui les cuisent à l'eau, d'autres qui les font au four, d'autres qui. Le mieux, c'est au bois, hein, sapin. Ça donne un goût. C'est sûr. Ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai. Tu faisais ça où? Dehors, dans la forêt? Dehors, dans la cheminée, hein, dans la cuisine. D'accord. Et alors. Une chose, tiens, si certains auditeurs qui nous écoutent peuvent nous dire, il y a toujours, moi je, quand tu manges des châtaignes, tu vois plusieurs façons de couper, tu sais, le premier cisaille. Il y en a qui font une fente, il y en a qui coupent un petit morceau. Quelle est la meilleure méthode alors? Faut dire que ceux qui grillent les châtaignes au Portugal, il y en a plein dans les rues de Lisbonne, Porto, dans les fêtes, hein, même Penafiel, il y en puis a. Toute Il les coupe à peu près au milieu. Ils font une fente. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne manière ou pas. Il y en a, effectivement, il y a une fente. Il y en a qui font une petite en taille. Alors, voilà. Chez nous, c'était en haut. On coupait un petit bout. Ok. Ah, tu coupais carrément un bout du. On faisait une fente. Tu fais une fente aussi. Ok, d'accord. Dans le cul de la châtaigne. Voilà, ok. Moi, c'est sur le dos, le côté plat. Moi, j'ai l'habitude de plutôt faire une fente sur le côté plat. Voilà. Après, je pense que c'est... je ne sais pas, mais tu as plusieurs méthodes et plusieurs convictions. Certaines personnes disent non, c'est comme ça. Ben, dites-nous, comment. Et si vous connaissez l'explication, je suis curieux de savoir. Et on écoute Maria Joana. Maria Joana. Eu quero dar-te a ti o que pedias. Uma noite sem fim e sem medidas. Tenho planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. D'écouter Nino Vass. Ah, je te partage un truc, il y a une vidéo. Comment on fait les châtaignes, non, ça mais, non, mais parce que bah, figure-toi, tu vois, j'ai regardé un petit peu, et il existe un appareil à préparer les châtaignes grillées, qui en plus, donc en fait, c'est une pince en métal avec des petits picots en forme de croix. Tu pinces la châtaigne. C'est peut-être ça qu'ils ont. Tu pinces la châtaigne et du coup, regarde, ça te la découpe en forme de croix. Et c'est où qu'on peut trouver ça? Alors c'est un site. C'est une question. J'ai tapé châtaigne grillée sur internet et je suis tombé sur un site très très connu asiatique. Asiatique. Bon voilà. Après la qualité du truc, j'en sais rien, mais en tout cas c'est intriguant et tu te dis tiens, faudrait peut-être essayer, ça a l'air pas mal. Donc moi j'ai quand même eu une auditrice qui nous a appelé pour me dire que elle, ce qu'elle faisait, c'est que alors sur la châtaigne, t'as la partie où il y a la queue et puis t'as la partie basse là où il y a une partie marron un peu d'une autre couleur. Elle coupe un morceau de cette partie-là. Bah nous c'est ça. Voilà. Chez nous. Elle coupe un morceau. Mais chez nous on a lâche beaucoup de châtaigniers, on ramasse les châtaignes l'hiver et c'est compliqué ramasser les châtaignes, ça pique. Ouais bah voilà, bah elle coupe cette partie-là. Fallait ouvrir les petits hérissons avec un marteau. La coque. Et voilà. C'est en plein hiver, hein, il y a plein de gelée le matin. C'est des bons souvenirs. Comment ça, il gèle au Portugal? Bel-Aïal. Ah ok. Et donc pourquoi elle coupe cette partie-là? Bah justement pour savoir s'il n'y a pas des vers en fait à l'intérieur. Et ça permet de savoir si effectivement voilà il y a des vers ou pas. Elle disait que cette année celle qu'elle a eue elles étaient pleines de vers. Bah nous j'en ai eu des bonnes. Ah voilà. Bon. Sur 2-3 kilos on a récupéré 3-4 mauvaises. Mais elles sont loin tes châtaignes. Elles étaient loin. Il faut aller les chercher loin. Eh il y en a plein qui arrivent de là-haut. Il y a des magasins autour. Ah, oui, effectivement. Qui arrive, hein, faut y aller. Il faut aller chercher la bonne châtaigne. Donc oui, voilà. On continue en musique. Ouais, les châtaignes, ça approche de quoi? De Noël. Oui. Et on va passer une chanson de Noël, figure-toi. Ah d'accord, ça y est, on va commencer. Moi c'est une période que j'aime, je déteste. J'ai quelqu'un à la maison, c'est pareil. Les films de Noël, ça y est, ça commence là, tous les films de Noël qu'on va avoir là jusqu'au 5 janvier. les films de Noël, les Robin des Bois, les voilà, et puis les chansons de Noël. T'as déjà eu Maria Carré qui a sorti le truc 1er novembre, là, Joyeux Noël avec sa chanson qui déjà depuis des années. Et puis après t'as tous les à la télé, t'as au moment du Nouvel An, t'as tous les vidéos gags, les bêtisiers, les machins. On devrait passer du 20 décembre au 10 janvier. En tout cas, là, c'est Agatha qui a sorti une chanson, elle est toute fraîche, hein. C'est une nouveauté, ça fait 8 jours. Qui est fraîche, la chanson? ouais, plutôt Agatha. Agatha est bien fraîche pour son âge. Ah, d'accord. On va découvrir. D'ailleurs, c'était son anniversaire hier ou avant-hier. Ah, tu vois? Je suis. Prochaine chanson, on va demander à Mathis. On va demander à Mathis ce qu'il pense de la chanson. C'est lui qui l'a choisie. Mathis, si tu dois faire une émission prochainement sur Radio Arc-en-Ciel le mercredi, quel serait pour l'instant, tu es en train de réfléchir sur le thème, c'est ça? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que finalement, quelles seraient pour l'instant les idées de thématiques? Pour l'instant, un peu varié. D'accord. Avec plutôt les sons. Qui font le, comment on peut dire, un peu le best du moment. D'accord, donc de l'actualité. Actualité musicale, plutôt son latino, rock, latino, accordéon. un peu de tout. D'accord, un peu de tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et si les auditeurs, forcément vous nous écoutez, pourquoi pas appelez-nous pour nous donner des idées de thèmes pour Mathis. Donc là, la prochaine chanson, ça a été demandé. On dit. Oh, allez, Madame Montignot qui nous a appelé pour nous souhaiter un bon dimanche à tous les deux et pour Mathis également spécialement pour lui et pour l'encourager. Voilà. Sale sabrosa, en la disco la pista destroza, se menea y se pone rabiosa, ando loco por volverla a ver. Su mirada es como la brisa del mar, su sonrisa hipnotiza a las demás. Es todo lo que soñé en una para el amanecer. Pero cómo le gusta beber, cómo le gusta salir toda la noche de joda, me va a enloquecer. Seguimos con las palmas. Como le gusta. C'est de la musique entraînante. Hein. Exactement. Qui nous donne un peu de soleil, un peu de chaleur. On continue, tu restes sur l'ambiance. Ouais, sur, comment il s'appelle? Cheyenne. Ah, on y va. Quedarte, y ahora sin ti no voy a ningún. tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Eh oui, ça réveille la musique, il fait chaud. C'est de la musique un peu espagnole, hein, c'est la langue espagnole, effectivement. Et après, sur notre radio, il y a une émission en espagnol, hein, Noche Flamenca. Exactement. C'est tous les jeudis, ouais. Jeudi, vers, je vois pas très bien d'ici. Voilà. Vers 20h, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Je vois pas d'ici. Je suis un peu fatigué, donc j'ai dormi que 2 heures cette nuit. Ah. Enfin, cette nuit, ce matin, on va dire. Voilà. On continue en musique et on va écouter. C'est ça que c'est bon. Ah, c'est ça que c'est bon. Mike Daggett, que vous pourrez découvrir samedi prochain. Un de ses grands succès, hein. Ça. Ça a été le succès qu'il a finalement lancé. Hein. C'est ça que c'est bon. C'est ce qu'il a lancé. Mike Daggett sera parmi nous samedi prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc. Une fête organisée par Radio Arc-en-Ciel, une soirée rouge puisque il y aura au début de cette soirée un moment de partage, de convivialité pour que tout le monde puisse danser au son des accordéons et des concertines rouges avec des choses, des maillons de canneverde, vides. Va essayer un grand moment de fête. Ensuite, la soirée sera animée par Johnny Iversi, pour la première fois ici dans l'agglomération orléanaise, et Mike Daggett. Voilà, donc samedi prochain, salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc, à partir de 21h jusqu'au petit matin, l'entrée est de 10 euros. Et les adhérents, 8 euros. Pour les adhérents, 8 euros. Vous pouvez toujours, encore et toujours, il n'y a pas de date limite pour adhérer ici à Radio Arc-en-Ciel. Vous pouvez adhérer et soutenir notre radio. La cotisation est seulement de 20 euros. Donc n'hésitez pas. Voilà, samedi prochain, vous savez quoi faire, c'est aller à Salle Montition à Saint-Jean-Blanc. Voilà. On pour écoute, se réchauffer. Pour se réchauffer et dépenser les calories et voilà, faire du bien aux muscles. C'est bon, Mike Daggett. Un día na minha terra encontrei uma velhinha. Ela tinha bigode tipo pena, coitadinha. Então se resolveu de a gilete emprestar para ela ir para casa, para o bigode cortar. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Cê sabe ser bom. Mike Daggett a cantar e o som está sempre a bailar. Cê sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Cê sabe ser bom. Mike Daggett a cantar e o som está sempre a bailar. Cê sabe ser bom. Um dia na minha terra encontrei lá um velhinho. Estava cheio de sede, tive pena, coitadinho. Então se resolveu de ao bar e o levar. Mas o raio do velhinho só queria se endividar. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Cê sabe ser bom. Mike Daggett a cantar e o som está sempre a bailar. Cê sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Cê sabe ser bom. Mike Daggett a cantar e o som está sempre a bailar. Cê sabe ser bom. E a velhinha foram os dois passear. Encontraram-se sozinhos, toca lá e a namorar. E o velho coitadinho bem queria, mas não pode. Ficou tão desconsolado ver a velha sem bigode. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Cê sabe ser bom.

un thème, c'est-à-dire en février, le 3 février, on a une soirée avec Zabaru, c'est pour la Saint-Valentin. C'est plutôt ça. Au mois d'avril, on a une soirée le 13 avril avec Georges Frêle, c'est pour la commémoration du 25 avril. Et au mois de novembre, c'est quoi le thème? Ah, ça y est. Ça sonne. Ça sonne. 02 38 43 48 00. Quel est le thème de la soirée? Alors, c'est pas rouge, je vous dis tout de suite, hein. C'est quel est l'événement qui fait que. Tous les ans, On fait cette soirée. Allez. 02 38 43 48 00. Ça sonne. Et on écoute Mike Daggett, Chaminia. Stop. Ça y est, Jérôme, il a la sueur comme quoi les gens écoutent, hein. Ils n'appellent pas, mais ils écoutent. J'ai déjà fait gagner deux personnes pour, j'ai eu des propositions, hein. C'est parce que c'est Saint-Martin ou c'est parce que c'est une date comme ça. Non, c'est pas du tout une date comme ça, ni parce que c'était Saint-Martin. Exactement. C'est parce que c'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Exactement. Au mois de novembre, c'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Et donc, on a eu deux personnes. La première personne, qui c'est, Lionel, qui a pu gagner une place? Tu me l'as pas dit, mais je vais le deviner. Vas-y. Ça commence par un M. Ah, ça commence par un M. Et c'est une fidèle auditrice qui est toujours présente dans nos événements. Et qui est toujours dans l'assemblée. Là. Oui, exactement. Hein? C'est Madame Macedo. Voilà, Madame Macedo qui. Elle le mérite, elle oui, le mérite. Oui, elle le mérite. Elle est tout le temps là. Elle est là à toutes nos manifestations. Elle est là aux assemblées. Elle est adhérente de Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà. Et surtout, elle a trouvé la réponse. Et elle a trouvé la réponse. Exactement. Madame Macedo, c'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Du coup, j'ai accepté une autre personne. Il y en avait une troisième qui m'a donné une bonne nouvelle, mais bon, je lui dis, j'aurais pu en prendre 10 comme ça, donc non, j'en ai pris 2, et on va faire une autre question tout à l'heure, mais ça dépend, si vous nous appelez pour faire des dédicaces, sinon je fais pas. Non, du coup, l'autre personne, c'est Marie Emilia Monteiro, que também ganhou uma entrada para o baile de sábado próximo. Parabéns. Et on continue, on continue. On continue. Quand Mike the Guy, il souhaite canaver du quai. Non, c'est canaver de. Non, c'est. Du Kral. Ah, I'm gonna go. Mike da Gaita aqui com este tema, um novo tema, e agora vamos recordar um tema mais antigo. Vamos para o chantier. Hoje não se vai para o chantier, hoje nos trabalha, é domingo, não é? Mas, há algumas pessoas que trabalham, sim, mas há profissões. Não, não no chantier. Vamos ouvir então. Vamos para o chantier, trabalhar com a pá e com a colher. Vamos já trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Segunda-feira, tenho que ir trabalhar. Ainda estou muito cansado, não me quero levantar. Tenho que ir para o chantier e os homens buscar, levar o material para o Manel não ralhar. Se cheguei atrasado, a culpa foi da mulher. Tive que fazer a gamela, nem tinha lá talher. O cimento já está pronto e a truela descansar. Não sei como o patrão no fim do mês nos vai pagar. Vamos para o chantier, trabalhar com pá com a colher. Vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos para o chantier, trabalhar com pá com a colher. Vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Manel, sempre a ganhar com uma manobra, troca martelo e truela, nunca mais acaba a obra. É dia de Michuí, vai buscar a baguete, vê lá se depois vinho e traz vinho da caminhonete. O Zé já está com os copos, ele só quer descansar. Chega o Manel enervado e diz, vai mas a trabalhar. A vida no chantier não é fácil de levar, é o Manel a trabalhar e o Zé a olhar. Vamos para o chantier, trabalhar com pá, com a colher. Vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos para o chantier, trabalhar com pá, com a colher. Vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Ali onde vá, todos para o chantier, o Manel e Moá. Ali onde vá, ali onde vá, todos para o chantier, todos para o chantier. Ali onde vá, todos para o chantier, o Manel e Moá. Vamos para o chantier, trabalhar com pá, com a colher. Vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos para o chantier, trabalhar com pá e com a colher. Vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos. Eu queria mandar daqui um beijinho, só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo, e há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais e há tanta coisa que ainda está para vir. Só consigo olhar para o teto. Esta vida já está a sorrir para mim. mami. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai, estou a partir-me todo para virar um bom partido. Para subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim. C'était dans toutes les oreilles. Hein. Et ouais, ça l'est encore. Ça l'est encore. La preuve, on la passe. Ça l'est encore. J'ai pas trouvé de questions encore. Je sais pas ce que je vais faire pour gagner une autre place. Et notre apprenti, qu'est-ce que ça donne? Ah, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Il a passé une petite nuit, c'est ça? Oui. Vas-y, tu peux échanger avec nous. Raconte-nous. Ah bah une petite nuit comme toi, je pense. Une petite matinée, on va dire exactement. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que aujourd'hui tu commences à avoir des idées pour ton émission, des choses comme ça qui font que... Est-ce que là, le fait d'avoir participé à cette émission, il y a quelque chose que tu ne feras pas? Les dédicaces. Il n'y en a pas eu trop. Il n'y en a pas eu trop aujourd'hui, effectivement. Ils sont déjà en train de faire leur course de Noël, c'est ça? Ah ouais, ils attendent le Black Friday, tu sais. La dédicace, non. Bah, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais tu sais, moi je connais une personne qui voulait faire une émission sur un thème un peu particulier qui était la voyance, le côté... tu l'emmènes à un chemin. Voilà. La voyance, le côté de donner des conseils sur les prédictions, les machins, etc. D'ailleurs, je lui ai dit, tu voulais faire... J'avais tout juste trouvé le titre de son émission, c'est « Ash Bush de Radio Arc-en-Ciel ». Les petites sorcières. Non. La voyance, non. Non plus. L'astrologie, non plus. Non plus. Ouais. Les recettes de cuisine, non plus. Ça peut. Ah, ça peut. Ah, ça peut les recettes de cuisine. Ça serait plutôt quoi? Sucré, salé? Salé. Salé. Ah, pourquoi pas. Voilà, bon. Séquence musicale, météo, tout ça. Bon, écoute, à découvrir. Ils seront. Déjà, c'est quoi le genre de musique qui va. Il a dit la mettre en valeur dans son émission. Latino. Oui, un peu tout ce qui est actuel du moment, les titres qui percent. Portugais, non? Si, tout. Si. De tout. On voyagera un peu avec tous les thèmes musicaux. Ouais. Plus la portugaise, plus sur quoi? Sur fado, non? Non, à mon avis, Lionel, plus son âge, le côté un peu très commercial à mon avis. Voilà, jaja et tout ça. Hip-hop. Je pense plus, je sais pas. Kalema. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait. Ninvas. Oui, Nino Vache, peut-être, je sais pas. Tu connais Nino Vache. C'est quoi ton artiste préféré, toi? En portugais? Ouais. Ce serait. Rafaga, mais c'est pas vraiment... Ouais, c'est pas tout à fait un rap portugais, mais latino, quoi, en fait. C'est voilà. Ça. Rafaga. Rafaga. Okay. Et dans la voiture, tes parents, ils écoutent quoi comme musique portugaise? Ah, bah, c'est ma playlist, alors... Ah, c'est toi qui donne l'ordre, c'est ça? Oui. Voilà. Ah, okay. Souvent, maintenant, c'est des enfants qui ont dessus sur les parents. Hein. Voilà. Et voilà. Eh bien, écoute, et l'émission devrait commencer prochainement? Vous avez travaillé encore, c'est on ça? On travaille encore. Voilà. Il doit encore apprendre la technique. Ça va, ça te fait pas trop peur, la technique? Non, ça va. Il y a beaucoup de boutons, mais ça va. C'est plus parler au micro, c'est ça? Oui. Ok. Mais ça va. C'est qu'on parle, on a personne en face, c'est ça, un peu. Hein. On parle à personne, mais finalement, on parle à beaucoup de monde. Exactement. Oui, t'as pu le voir, d'ailleurs, quand il suffit qu'on lance, quelque chose à gagner, tout de suite, les gens vont appeler. Donc, ça signifie que forcément, les gens écoutent. Donc, effectivement, c'est là où il faut essayer de capter et voilà. Et pourquoi pas, si vous, de l'autre côté, que vous nous écoutez et vous êtes intrigué par comment se passe une émission de radio, pourquoi pas, appelez-nous et on convient d'un moment. On voulait lancer une porte ouverte, probablement dans les beaux jours, une porte ouverte ici, Radio Arc-en-Ciel, et venir découvrir les studios, découvrir aussi comment se déroule une surtout émission. Que maintenant, on a du nouveau matériel. On hein. vient d'avoir... Voilà, on découvre encore certaines... certaines fonctionnalités du modernisme qui est arrivé. C'est un peu comme une voiture, hein, tu sais, à l'époque, il fallait appuyer sur les boutons, tourner des manivelles pour ouvrir les fenêtres, etc. Maintenant, tu touches presque rien. Tu parles au micro et puis tu parles, ça s'ouvre tout seul. Voilà, et ben nous c'est pareil. Le studio c'est modernisé. Donc si vous avez envie, si vous avez peut-être envie, pourquoi pas de se dire pourquoi je ne pourrais pas faire une émission également. Si vous voulez savoir si vous pourriez vous en sentir capable, eh bien il suffit de venir nous rencontrer ici. Venez un dimanche découvrir comment ça se passe, pourquoi pas. Oui, et totalement, et se dire on va pourquoi pas. Vous pouvez emmener les petits croissants en même temps. Ah, nous on est très très gourmands ici le dimanche matin. Oui, on est les viennoiseries, le chocolat, tout quoi. Pas du salé. Le petit gourmand. Pas du salé. On continue avec quoi? Téléphone, Bandalouse. Non, diapason. Ah, diapason. Era tempo de amar, porque será que não queres? Matará minha saudade, porque o meu amor por ti é amor de verdade. Atendo o telefone para falar contigo, para te convidar para sair comigo. Liga tanta vez, não queres atender. Será que não queres comigo falar? Atendo o telefone para falar contigo, para te convidar para sair comigo. Liga tanta vez, não queres atender. Tenho tanta coisa para te dizer. Te poder abraçar, quero ter-te junto a mim, para te poder amar. Porque será que não queres matar a minha saudade? Porque o meu amor por ti é amor de verdade. Atendo o telefone para falar contigo, para te convidar para sair comigo. Liga tanta vez, não queres atender. Será que não queres comigo falar? Atendo o telefone para falar contigo, para te convidar para sair comigo. Liga tanta vez, não queres atender. Tenho tanta coisa para te dizer. Para falar contigo, para te convidar para sair comigo. Liga

de cowboy apaixonado. Meu coração bate sempre acompanhado. Eu sou cowboy, country é a minha paixão. Viola, peito e amor no coração. Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente. Entro num baile de um jeito diferente. Passo a menina e a coisa fica quente. Se ela não gosta ou é doida ou está doente. Levanta o braço, bate uma bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate uma bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate uma bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate uma bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate uma bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate uma bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate uma bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate uma bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano. Stop. C'est gagné, j'en ai fait gagner deux. Tellement ça sonnait. Ouais, je vais me faire engueuler par ma présidente. alors. J'ai eu Elvin, mais comment ça s'appelle? Agel ou puis, exactement. C'est ça, j'aurais gagné une entrée, moi. Ah, t'aurais gagné, exactement. Mais toi, t'as gagné le droit d'aller travailler. Et tu payes pas. T'inquiète pas, ça sera gratuit. Exactement. C'est ça, et c'est même, donc, Jeroupig, ou Aguapé, je connaissais pas. Acompanhadas de aguapé ou jurupiga. Em Portugal, a tradição é comer castanha assadas acompanhadas de aguapé ou jurupiga. Voilà. Donc, qui on a eu? On a eu Inora da Costa, qui nous a appelé et qui a gagné une place pour samedi prochain, et Flavia Liliana Bento. Voilà. Bien entendu, vous venez avec vos pièces d'identité samedi prochain. J'ai pris les identités, les numéros de téléphone. J'envoie tout ça tout de suite par email à la direction là, au supérieur hiérarchique. Et du coup, vous pourrez venir accompagner de vos pièces d'identité samedi prochain au bal qui est organisé par Radio Arc-en-Ciel, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 20h30. Soirée Rougegue. Rougegue, c'est quoi? Ce sont des groupes folkloriques qui vont venir avec leurs accordéonistes, leurs danseurs, etc. et qui vont ouvrir le bal pour tout le monde. Et vous pourrez tous danser sur la grande piste de Montition. Danser au son. Ceux qui vont chanter, faut mieux venir avant, un petit peu. Hein. Ah, bah oui, faut chauffer la voix. Faut chauffer la voix. Il faut faire quelques vocalises avant de rentrer. Et voilà. Donc, c'est la piste de Montition. Sera ouverte pour faire danser toutes ces danses traditionnelles d'El Rouge. Et puis, bien sûr, après, le bal traditionnel avec Johnny Iversi et Mike Daggett, l'artiste qui sera parmi nous samedi soir, salle Montition. L'entrée 10€, 8€ pour les adhérents. Voilà. It's comme the webs. Exactement, j'ai rien d'autre à ajouter. On écoute. Logo pelo acordar. Saudades do meu tano. Saudades me vai matar. Logo pela manhã. Logo pelo acordar. Saudades da minha nora. doy tu ayuda y vai a noite, espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. A saia da Carolina nunca aqui teve um cabido. Eu ando bem calçada, vai perguntar ao David. Debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas, cancela as minhas entrevistas. Eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia. Pedem-me uma canção, eu tenho uma mão cheia. Avisa o lagarto que eu esmago com o pé. Não há tempo para rastejos em terra de jacaré. Não há tempo para bocejos quando o dia me chama. Eu vivo de fé, há quem vive de fama. A saia não é de ninguém, Carolina ou eu. Mathis va devoir nous quitter, et moi prochainement aussi. L'émission de toute façon touche pratiquement presque à sa fin, il reste que quelques minutes. Merci Mathis d'être venu. De rien, et merci à vous de m'avoir pris. C'est une émission calme, c'est une émission, voilà. Je suis sûr que si tu avais fait la voyance, mais je vais te donner le numéro de téléphone de la voyante, je vais te donner le numéro de téléphone de la voyante, tu vas voir. Tu la connais déjà? Tu vas voir, elle va pour l'émission, mais c'est, pourquoi pas, il y a toujours des émissions comme ça, surtout quand il y a la nouvelle année, etc. Ouais, qu'est-ce que les prévisions de la les prévisions année. Les prévisions pour l'année 2024. Prochaine, voilà, qu'est-ce que tous ces astrologues etc. qui prédisent l'avenir, et pourquoi pas, on pourrait la faire venir pour savoir ce qu'elle prédit pour des fois faut mieux pas le savoir pour 2024. Ouh là là, déjà 2025, non, 2024, oui, en tout cas, voilà. Mathis, on le verra samedi, il sera là, puisque tu vas solliciter les personnes sur un questionnaire, je crois, c'est ça? Oui. Quel type de questionnaire? Un petit questionnaire pour savoir vers quelle émission on va plus se porter. D'accord, donc c'est savoir qu'est-ce qu'aiment les gens. Les attentes. Et les attentes, ok. Donc du coup, soyez au rendez-vous et surtout allez voir Mathis pour répondre, pour qu'il puisse orienter au mieux son émission et pouvoir vous proposer une émission qui vous aime, qui va être aimée par le plus grand nombre, c'est ça? On espère. Ou pas, parce qu'on peut aussi choisir. La différence, c'est de se dire, je vais choisir un côté un peu minoritaire et je vais proposer quelque chose que peut-être il n'y a pas ailleurs. Voilà, ça peut être ça aussi. Des fois, créer la différence, c'est se démarquer. Voilà. En tout cas, tu seras là samedi avec Lola. Avec Lola. Voilà, ils seront là tous les deux. Ils seront habillés en vert. On mettra un petit stand à leur disposition, certainement. Ils seront en boule de Noël, en sapin de Noël. voilà. En donc tout cas, c'était un plaisir de l'accueillir. Hein. Exactement. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup aux éditeurs de nous avoir écoutés ce matin. Voilà. Puis il a une voix radiophonique. Hein, ouais, il a une voix sensuelle. C'est peut-être la voix du matin encore, qui est pas la voix de quelqu'un qui a pas dormi beaucoup, voilà. Mais c'est jeune, c'est robuste. Attends, écoute. En tout cas, samedi prochain, salle Montition, Saint-Jean-Blanc, on le répétera jamais assez. Soirée rouge avec Mike Daggett, Johnny Valzi, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, Mathis et Lola, et puis vous tous, venez, l'entrée de 10 euros, 8 euros pour les adhérents, à partir de 20h30 jusqu'au petit matin. Et c'est une manière aussi de soutenir Radio Arc-en-Ciel, hein. Exactement. C'est la dernière soirée de cette année 2023, puisque après, ça reprendra en février, le 3 février, avec Zermar et ses musiciens, un concert live, qui sera également sa Montition. Il y a une prévente des billets à 15 euros. Alors pour Noël, hein, si vous savez pas quoi 15 faire, euros, hein. 15 euros la prévente. Le jour J, ça sera 20 euros. Donc n'hésitez pas à acheter d'avance. Vous économisez 5 euros. C'est un vrai concert. Hein, c'est un vrai concert avec Zermar, avec ses musiciens. Le 13 avril, pareil, salle Montition. Également Georges Frêle avec ses musiciens. Ça chose fait longtemps. Qui fait rare, hein, oui. Sur Orléans. Ça faisait longtemps que Georges Frêle n'était pas venu sur Orléans. Il sera là avec ses musiciens et pareil, prévente 15 euros. Le jour J, ce sera 20 euros l'entrée. Donc n'hésitez pas à acheter vos places d'avance pour pouvoir être sûr de rentrer. Et puis surtout économiser. Je crois qu'on va pouvoir les. Si je m'avance un petit peu le jour. La soirée samedi le prochain. Samedi prochain, vous pourrez déjà commencer à acheter les billets. Donc voilà. Et surtout, qu'allais-je dire? Et surtout, économiser 5 euros parce que pourquoi payer 20 si on peut payer 15, quoi? Tout simplement. Le jour J, ça sera 20 euros. Le jour J, ça sera 20 euros. Mais demain, samedi prochain, c'est bien 10 euros. Samedi prochain, c'est 10 euros et 8 pour les adhérents. Voilà. Merci Mathis. Bonne journée. Merci à bientôt. Beaucoup. À samedi. Oui. Bonne journée à tout le monde. Profite bien et bienvenue sur la dans et bienvenue la à Radio Arc-en-Ciel, hein. Association IOTA. IOTA, est-ce que tu sais ce que IOTA signifie? Alors pas du tout. Pas du tout. Ah voilà. Mais tu l'as vu IOTA? Non. IOTA. T'as pas vu là IOTA? Non, on t'a pas expliqué ça. Mais qui t'a fait ton accueil de stage? Mais comment ça se fait? On t'a pas expliqué ce qu'était IOTA? Bah, alors, IOTA, IOTA, c'est le nom de l'association. On dit IOTA, mais c'est IOTA. Et ça signifie Information Orléanaise Tout Azimut. Voilà. Voilà. Tu pourras dire merci. tu mettras dans ta, dans ton truc de stage, non. Jérôme. Ma... Ouais, c'est important. C'est la base de notre radio, c'est l'association et c'est elle qui soutient Radio Arc-en-Ciel. C'est elle qui fait que Radio Arc-en-Ciel peut être là. Sinon la radio ne pourrait pas être là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À vous. À bientôt. À bientôt. Voilà.